Chapitre 3. Les écrivains qui dénoncent avec raison la chasse à l'homme et la traite en Égypte ne parlent pas de la Turquie. L'observation pourra surprendre bien des gens, même éclairés, qui n'ont pas eu le moyen de contrôler les assertions à droite de la diplomatie orientale. Un avocat de la porte pourrait dire, pièce en main, que la traite est abolie en Turquie depuis 15 ans, à l'instigation et aux applaudissements des puissances occidentales protectrices. Mais il ne serait pas moins facile de lui répliquer en lui exposant les prix courants des esclaves noirs sur la côte de l'Adriatique, des esclaves blanches à Stamboul et autres lieux. Cette abolition de la traite est une des plus singulières mystifications que la Turquie, aidée par l'ignorance publique et par les complaisances d'une certaine presse, ait réussi à faire subir aux Occidentaux. Le malentendu aurait pu durer longtemps sans les désastres récents de l'immigration circassienne et les scandales qui les ont suivis. On sait qu'il y a 8 ans que les circassiens, attirés en Turquie par des excitations irréfléchies, affluèrent au nombre de 400 000 âmes dans un pays où l'on n'avait compté que sur une lente infiltration, et n'y trouvèrent qu'une hospitalité défiante et mal organisée. En une année, les 2/3 périrent de misère, de faim, de maladies contagieuses. 22 000 émigrés cantonnés autour de Batoum étaient réduits à 7 000. Une tribu de 30 000 âmes, près de Samsun, descendit à 1 800 en quelques mois. Les adultes périrent par milliers. Quant aux enfants, il se fit un agiotage effréné sur ces malheureux petits êtres, et les bénéfices qu'en retirèrent certains pachas permirent de se demander si l'on n'avait pas systématiquement affamé à dessein tout ce peuple. Les harems regorgèrent de circassiennes de 10 à 14 ans, qui se vendaient en moyenne de 400 à 600 francs avant la crise, et qu'on achetait alors pour le quart, pour le 1/8 de cette somme. Stamboul, encombré, versait son excédent sur la Syrie et l'Égypte. On saisit devant Galata un navire chargé de 800 jeunes circassiennes pour Alexandrie. L'armateur était parfaitement en règle. Il avait un tesqueré, un passeport, où il était qualifié de membre du très honorable S9. La corporation des marchands d'esclaves. Ainsi, à la face des ambassades, qui affirment l'extinction de la traite, les autorités de Constantinople visent les registres de la corporation des marchands de chair humaine, qui fonctionne un peu plus secrètement, mais presque aussi activement que par le passé. Il est bon de dire ici ce que c'est que cette émigration circassienne, qui a excité une sympathie assez naturelle par son patriotisme et ses malheurs, mais sur laquelle on a versé un peu trop de larmes irréfléchies. On ne sait pas assez qu'au Caucase, il y avait des tribus nobles et guerrières qui n'avaient absolument que 2 gagne-pains, la vente de leurs enfants et le droit de vivre à discrétion aux dépens des tribus plébéiennes et agricoles, leurs vassales. La conquête russe, protectrice de ces dernières, trouva naturellement une résistance acharnée de la part des tribus nobles que l'opinion publique chez nous a un peu légèrement transformée en groupe de patriotes, mais qui en réalité défendaient avec fureur leur droit séculaire de vivre aux dépens d'autrui. Du moment que la Russie ne pouvait plus permettre à ses aristocrates fainéants de tailler à merci les paisibles populations des plaines, comme au Swaniti et ailleurs, il ne pouvait que prêter une oreille docile aux sollicitations et aux promesses d'hospitalité de la Turquie. Beaucoup d'entre eux comptaient bien y vivre sans travailler, et en effet, après l'effroyable crise que j'ai mentionnée plus haut et qui moissonna environ 260 000 émigrants, les procédés de la commission de colonisation semblèrent favoriser leurs espérances. On les distribua dans les provinces chrétiennes, surtout en Bulgarie. On prit des terres aux chrétiens pour les leur donner. On força les chrétiens à leur bâtir des maisons et jusqu'à des villes entières. On les obligea enfin à donner à ces intrus des bœufs de labour et les semailles de la première année. Quelques-uns se mirent à travailler, mais la plupart montrèrent leurs mains nerveuses et fines et dirent fièrement que ces mains-là n'étaient pas faites pour avoir des ampoules. Le résultat le plus clair de cette colonisation a été de créer dans la Turquie d'Europe une foule de centres de maraude, dont les chrétiens ont la maigre consolation de ne pas être les seules victimes. Tant que les Tcherkesses ne voudront pas gagner honnêtement leur vie en travaillant, il sera impossible d'abolir la traite des enfants parmi eux, surtout la traite des filles, favorisée par les tolérances équivoques et casuistiques qui déshonorent le mariage musulman. Cependant, pour être juste, il faut constater un progrès. Un très grand nombre d'enfants circassiens préfèrent déjà un travail pénible à la livrée lucrative et infamante des tchibouchis des pachas. Il y a vraiment quelque chose de touchant à voir ces jeunes garçons aux traits purs et fiers circuler dans les bazars et proposer de porte en porte, pour 5 et 10 paras, 3 et 6 centimes, les petits fagots qu'ils ont taillés dans la forêt voisine. On a le droit d'espérer que cette génération-là comprendra la noblesse du travail et du pain gagné, tandis que la génération dont elle sort n'apprécie que le pain conquis sur autrui. Elle restera musulmane, mais ne deviendra pas turque, car les déceptions de la fausse hospitalité de 1864 ont ulcéré des cœurs qui n'oublient pas. Notre plus grand étonnement en Turquie a été de voir, sur les points où les circassiens avaient pris l'honorable parti de se mettre au travail, des relations de voisinage amicales s'établir entre eux et les chrétiens bulgares, et surtout, de les voir apprendre la langue slave. La Turquie fera donc bien de ne plus compter sur cet appoint pour combler les vides de sa population ottomane, et ce sera le châtiment le plus certain d'une nation qui ne sait pas se perpétuer par elle-même et qui n'a vécu 4 siècles en Europe qu'au moyen d'une sorte de vampirisme alimenté de 2 façons, par les razzias annuelles d'enfants chrétiens à l'intérieur et par la piraterie barbaresque à l'extérieur. Nous avons essayé de faire rapidement le bilan de l'esclavage turco-égyptien. M. Berliou, d'ordinaire très circonspect en matière politique ou religieuse, va cette fois droit au fait en disant que pour supprimer la traite, il faut déchirer le Coran. C'est net et surtout parfaitement juste. Seulement, poser ainsi la question, c'est reconnaître implicitement que la solution en est à peu près impossible. Partout où l'islam sera un culte dominant, le Coran, la polygamie et l'esclavage seront les bases essentielles de l'ordre social. Les gens qui veulent bien se laisser tromper vont répétant sans cesse que le Coran est élastique, qu'il se laisse commenter, élargir, modifier. Ce sont les mêmes qui ont presque réussi à persuader au public que la tolérance religieuse était un progrès en Turquie au moment où la porte persécutait si cruellement un groupe de musulmans honorables qui avait eu l'audace d'adopter la monogamie et de prêcher la possibilité du salut éternel pour les juifs et les chrétiens. Il faut bien le reconnaître, tous les gouvernements musulmans, par fanatisme, par incurie, par cupidité, sont esclavagistes. Le gouvernement égyptien, le seul de tous en Orient qu'on puisse appeler un gouvernement laïque, n'obéit pas au même mobile que ses voisins. Mais outre que l'esclavage est aujourd'hui son mode presque unique de recrutement, l'abolition de la traite troublerait trop d'habitudes et trop d'intérêts chez les populations qui lui obéissent. Donc il n'y a rien à attendre de ces gouvernements. Les sociétés abolitionnistes, qui ont envoyé des députations au Khédive il y a 2 ans, pour le prier de prendre des mesures contre la traite exercée dans ces États, n'ont réussi qu'à fournir à ce prince une occasion de donner le change à l'opinion publique. On sait que le sens de sa réponse fut celui-ci. « J'ai fait prendre des mesures si efficaces qu'aujourd'hui la traite faite par mes sujets a complètement disparu du Nil. Il ne reste plus au Soudan d'autres négriers que des Européens qui, abrités derrière les capitulations, mettent à néant mes efforts et ma bonne volonté. » Le Khédive poursuivait alors activement le retrait de ces capitulations si gênantes pour les gouvernements orientaux qui veulent faire de l'arbitraire illimité chez eux. Sa réponse était un modèle de diplomatie et d'à-propos. Tous les journaux la reproduisirent et pas un ne donna la réplique courte, nette et tranchante par laquelle M. Patrick, ex-consul anglais à Khartoum, déchira cette politique. Ainsi, les gouvernements musulmans ne feront rien de sérieux contre l'esclavage parce qu'ils le regardent non seulement comme licite, mais comme une base essentielle de la société islamite. Qu'on se rappelle une conversation du sultan de Bokhara avec le voyageur Vambéry et l'air scandalisé avec lequel il apprit que la foi avait tellement dégénéré à Stamboul que le sultan des Osmanlis ne faisait pas de razzia annuelle contre les princes de Moscovie et d'Autriche pour se procurer des esclaves et gagner des âmes à l'islamisme. Il est heureux que le sultan actuel ne soit pas assez fort pour remplir ce devoir, car c'est ignorer le premier mot des affaires présentes de l'Orient que de ne pas connaître la recrudescence de fanatisme qui se produit depuis la mort regrettable d'Abdul-Mejid. Un doyen des consulats européens au Levant disait encore il y a peu de mois « Sachez bien que Mahomet est rené en 1861 ». Ce serait la plus décevante des illusions de s'imaginer qu'on pourra obtenir quelque chose de sérieux sous ce rapport, soit du Khédive, soit de son suzerain. À leur défaut, peut-on compter davantage sur les gouvernements européens, aujourd'hui les maîtres réels de l'Orient? Quelques-uns le pensent, et adressent à ces gouvernements les appels les plus confiants. Daigne espérance, on voit tous les jours des hommes subir individuellement de nobles entraînements, et faire des actes généreux sans une pensée d'intérêt personnel. Mais les gouvernements ont peu d'entraînement de ce genre. Les hommes d'État peuvent être, comme individus, douloureusement affectés du sort des 70 millions d'hommes chez lesquels sévit la plaie sociale que nous examinons. Ils n'en subissent pas moins l'influence de la politique traditionnelle des puissances occidentales. Leur préoccupation dominante aujourd'hui est de fortifier l'Orient musulman et de l'aider, comme on dit, à se régénérer. On fait une expérience, la chose est en faveur maintenant. On ne se demande pas si, l'expérience finie et la débâcle accomplie, il ne sera pas trop tard pour songer aux chrétiens d'Orient et aux noirs africains, plus intéressants que tout ce monde qui croule dans la boue. Les grands actes humanitaires sont toujours imposés au gouvernement par un courant irrésistible d'opinion. On peut en prendre, pour exemple, deux grands événements de ce siècle, l'abolition de l'esclavage et la délivrance de la Grèce. C'est donc en définitive à l'opinion publique qu'il faut s'adresser pour l'éclairer, la guider, la pousser en avant, et c'est ce qu'ont fait les honorables écrivains cités en tête de ce travail. Après tout, on a plus de raisons d'attendre que les gouvernements fassent leur devoir quand on a soi-même fait le sien. Ainsi s'achève La traite des esclaves en Égypte et en Turquie, par Guillaume Lejean.